the Lord, viewers. Gloire à Dieu, auditeurs. Viewers, welcome to this mighty and very special program. Auditeurs, vous êtes les bienvenus à ce puissant et très spécial programme. In which I'll be featuring the wedding of the Lamb of God. Dans lequel nous voulons observer les noces de l'agneau de Dieu. I'll be examining very, very clearly with you and to greater depth. Je veux examiner très, très clairement avec vous et dans une manière très profonde. What exactly the wedding of the Lamb of God is? Qu'est-ce que exactement est le mariage de l'agneau? A day that is, in other words, also known as the day of rapture. Le jour qui, dans d'autres mots, est aussi connu comme le jour de l'enlèvement. The rapture of the church. L'enlèvement de l'Église. And I will navigate you very clearly and carefully through the scripture. Et je veux vous naviguer très clairement et prudemment à travers l'Écriture. To explain to even us to what the Bible says. Pour vous expliquer encore à propos de ce que dit la Bible. About the day of the wedding of the Lamb. À propos du jour des noces de l'agneau. And the significance of that day. Et la signification de ce jour. Into your lives as Christians. Dans votre vie en tant que chrétien. As people of the nations of the earth. Comme peuple des nations de la terre. What exactly is the importance? Qu'est-ce que c'est exactement l'importance? Of the wedding of the Lamb of God. Des noces de l'agneau de Dieu. I'll look at that. Je veux le regarder avec vous. And how the Bible articulates that importance. Et comment la Bible articule cette importance. Into the Christian walk. Dans la marche chrétienne. How does that relate to the life of a Christian? Quelle est la relation de ceci avec la vie d'un chrétien? How does it affect your life as a Christian? Comment est-ce que ça affecte votre vie de chrétien? If it is such an important day. Et c'est un jour tellement important. Then how should the church prepare for this day? Comment est-ce que l'Église doit se préparer pour ce jour? How ought the church to live? Comment est-ce que l'Église doit vivre? In order to realize this very, very important day. Afin de réaliser ce jour tellement important. Called the day of the wedding of the Lamb. Appelé le jour des noces de l'agneau. Or the rapture. Ou l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Because I want to start with a very, very mighty vision of the Lord. Auditeur, j'aimerais commencer par une très, très grande vision du Seigneur. When the Lord spoke with me, quand le Seigneur m'a parlé regarding the wedding of the Lamb of God, regardant les noces de l'agneau de Dieu, on the 1st of November, the year 2006, le 1er novembre de l'année 2006, at about 3 a.m. in the morning, à peu près 3 heures du matin, in a mighty visitation of the Lord God Almighty, dans une très puissante visitation, and in that visitation of the Lord, et dans cette visitation du Seigneur, I saw the tremendous visions of the Lord God Almighty. J'ai vu l'énorme vision du Seigneur Dieu Tout-Puissant. And the vision I saw was in the direction facing east. Et la vision que j'ai vue était tournée dans la direction en face de l'est. In which heaven opened into the sky. Dans laquelle les cieux ouverts dans le ciel. And as I was still looking at the open heaven. Comme j'étais encore en train de regarder les cieux ouverts. In the sky, in that vision of the Lord. Dans le ciel, dans cette vision du Seigneur. Then came forth tremendous and overwhelming glory of the Lord God Almighty from heaven. Et ensuite est venue une gloire du Seigneur énorme et submergente. And that glory began to pour into the otherwise dark sky. Et cette gloire a commencé à couler dans le ciel sombre. And in that vision of November 1, 2006 at 3 a.m. in the morning. Et cette vision, le 1er novembre 2006 à 3 heures du matin. As the glory came out from the inside of heaven. Comme la gloire est sortie de l'intérieur des cieux. The glory gradually began to colonize. La gloire a graduellement commencé à coloniser the entire expanse and the sky, l'entière étendue du ciel, making the sky luminous, rendant le ciel lumineux. The sky began to illuminate and radiate with a lot of the glory of the Lord. Le ciel a commencé à s'illuminer, à radier la gloire du Seigneur. In a spectacle that actually demonstrated the authority of the glory of the Lord. Dans un spectacle qui actuellement a démontré l'autorité de la gloire du Seigneur. Because I could in that vision see. Parce que je pouvais voir dans cette vision that the darkness was gradually being conquered. Que les ténèbres avaient été graduellement conquises. By the tremendous glory that came from heaven. Mais l'énorme gloire qui venait du ciel. And that glory came through the entrance. Et cette gloire venait de l'entrée. That the Lord opened into the sky in that mighty vision of the Lord. Que le Seigneur ouvrait dans le ciel, dans cette puissante vision du Seigneur. But what was most fascinating, mais qu'est-ce qui était le plus fascinant? What was most amazing in this vision as I continued paying attention to the events? Le plus étonnant dans cette vision, alors que je continuais d'être attentif aux événements, even as they unfolded, même comme ils se déroulaient, is the fact that eventually, c'est le fait que finalement, then gradually, that same glory, et ensuite graduellement, cette même gloire transformed the darkness that had consumed the earth, transformait les ténèbres qui consumaient la terre, and the earth was lit up with the same glory of the Lord, et la terre était éclairée par la même gloire du Seigneur that had consumed the sky, qui avait consumé le ciel. And then as things rolled on, des choses sont arrivées, very very carefully I began to see a small tinge, j'ai commencé à voir une petite nuance of what appeared to be golden, et qui est apparu être de l'or, within the radiant and brilliant glory of the Lord God Almighty, dans la rayonnante et brillante gloire du Seigneur Dieu Tout-Puissant, inside heaven, dans les cieux. And that little tinge of gold, et cette petite chose en or, was growing in size, était en train de croître en dimension. So it was not static in that vision. Alors, c'était pas immobile dans cette vision. And the more it drew closer to the entrance, et le plus cela s'approchait de l'entrée, that God Almighty opened in the sky, le Dieu Tout-Puissant ouvrait le ciel, the more I was clearly able to see, le plus j'étais clairement capable de voir what it was, ce que c'était. And then I realized it was very golden, et alors j'ai réalisé que c'était quelque chose en or. And then when that golden tinge, et quand cette nuance en or, within the glory of the Lord, dans la gloire du Seigneur, approached the entrance of heaven, s'approchait de l'entrée des cieux, then I realized, ensuite j'ai réalisé, they were two wedding rings, c'était deux anneaux de noces, and the two wedding rings were very golden, made out of absolutely pure gold, et les deux anneaux de noces étaient parfaitement en or, d'un nor parfaitement pur. And they were placed right at the entrance to heaven. et ils étaient placés juste à l'entrée des cieux that stood open in the sky. Qui étaient ouvertes dans le ciel. And at that time, et pendant ce temps, as the Lord God Almighty, comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant was showing this vision to me, était en train de me montrer cette vision at 3 a.m., à 3 heures du matin, November 1, the year 2006, le 1er novembre 2006, he began to tilt and flip the two wedding rings. Il a commencé à pencher et tourner ses deux anneaux de noces. Immediately he realized he had caught all my attention. Tout de suite, il a réalisé qu'il a attiré toute mon attention. And I was completely absorbed and consumed. Et j'étais complètement absorbé et consumé. And focused on the two wedding rings. Et concentré sur les anneaux de noces. Golden and very glorious. En or et très glorieux. And very mighty wedding rings. Et très puissants anneaux de noces. That now stood at the entrance to heaven. Et maintenant placés à l'entrée des cieux. That was open into the sky. Qui étaient ouverts sur le ciel. The more I continued examining the two golden and glorious wedding rings, le plus je continuais à examiner les deux anneaux de noces, the more I realized, le plus je réalisais, that they are actually mirror images of one another, qu'ils étaient exactement comme un miroir, tellement semblables l'un à l'autre. It's as though if you put a mirror against one of the rings, si vous placez un miroir devant un de ces anneaux, you'd see the other copy, you'd see the second ring. Voilà, vous allez voir l'autre copie, vous allez voir l'autre anneau. And he continued tilting them in the sky. Et il continuait à les bouger dans le ciel. To enable me to see even the adornation and the decoration. De me rendre capable de voir l'ornement et la décoration. That had been placed upon the wedding rings. Qui ont été placés sur ces anneaux de noces. The amount of beautification that the Lord had taken. La quantité d'embellissement que le Seigneur a mis. Time to endow the rings with. Temps pour équiper les anneaux avec. I was also able to see the inside part of the ring. J'étais aussi capable de voir la part intérieure des anneaux. The part that touches the finger when you wear a ring. La partie qui touche le doigt quand on met l'anneau. And then gradually the Lord drew my attention. Ensuite, graduellement, le Seigneur a attiré mon attention to the upper part. De la partie supérieure. You know, when one wears a ring, vous voyez, quand quelqu'un met l'anneau, there is the part that shows that people see, the upper part that is exposed. C'est une, il y a une partie qui, qu'on voit, qu'une partie qui est montrée, que les gens voient. That people see how your ring is beautified. Les gens voient à combien votre anneau a été embelli. And decorated. Et décoré. He began to emphasize that part as he was tilting the wedding rings. Il a commencé à mettre de l'importance à cette partie comme il était en train de bouger ses anneaux de noces. And then, in a split moment, et ensuite, en un moment très rapide, then came the voice of the Lord Almighty from heaven. Ensuite est venue la voix du Seigneur, le Tout-Puissant des cieux, from the inside depth of heaven, de la profondeur intérieure des cieux, when he said, où il est dit, from today on, depuis aujourd'hui, all authority in heaven, toute autorité dans les cieux and authority on the earth, et autorité sur la terre has been given to Christ Jesus, ont été données Jésus-Christ. And then immediately after that, et ensuite, immédiatement après ça, a serene silence consumed the sky again, un silence serein consume encore le ciel. With the wedding ring still sporting the entrance to heaven that stood open in the sky. Avec les anneaux de noces encore visibles qui se tenaient là à l'entrée des cieux ouverts. But at that time, I was now a little bit more enlightened about what the wedding ring spoke about. Mais à ce moment, j'étais déjà un peu éclairé à propos de ce que les anneaux de noces disaient. I was now able to understand that this was about the authority of God Almighty. J'étais capable de comprendre que ces anneaux parlaient de l'autorité du Dieu puissant. That has been given to Christ Jesus. Qui a été donné à Jésus-Christ. Well, as I continued in that vision of 3 a.m. in the morning. Comme j'ai continué dans cette vision à 3 heures du matin. Focused on the wedding rings. Me concentrant sur les anneaux de noces. In the sky. Dans le ciel. Still tilting, flipping. Encore se mouvant et bougeant. Enabling me to see all the decorations. Me rendant capable de voir toute la décoration, the beautifications, l'embellissement, and the amount of effort that the Lord God Almighty had taken, et la quantité d'efforts que le Seigneur a pris, to develop the wedding rings, design them, pour développer les anneaux de noces, les dessiner, produce them, les produire, then came forth the second voice. Et ensuite est venue la seconde voix. The voice of the Lord God Almighty. La voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant. From the inside depths of heaven. De l'intérieur de la profondeur des cieux. And the voice I heard said. Et la voix que j'ai entendue disait. Look. Regardez. And see who is seated on the white horse. Qui est assis sur le cheval blanc. And I remember immediately. Et je me suis souvenu immédiatement, after the voice, I looked slightly above the two wedding rings. Après la voix, j'ai regardé légèrement au-dessus des deux anneaux de noces, into heaven, dans le ciel, at the threshold of heaven, au seuil des cieux, and the sky, et le ciel, but inside heaven, à l'intérieur des cieux, on the inside part of heaven, dans la partie intérieure des cieux, I was now able to see a very mighty and most powerful, glorious horse. J'étais maintenant capable de voir un très majestueux, plus puissant, glorieux cheval. And the horse I saw, et le cheval que j'ai vu, was so powerful and very sturdy. I've never seen anything like that in my life. Était si puissant et très vigoureux, et je n'ai jamais vu quelque chose de cette sorte dans ma vie. And that horse presented a demeanor. Et ce cheval présentait un comportement. He presented a stance. Une posture. Il présentait une posture. As though he were prepared. Look, I am ready. I can be released anytime from now. Comme s'il était préparé. Regardez. Je suis prêt. Je peux être libéré à tout moment depuis maintenant. The horse looked like he was very ready and any minute he would be released. Le cheval avait l'air d'être très prêt et qu'il était tout à fait prêt à être libéré. And then after that, et après ça, as I still watched on the powerful, mighty and most glorious study horse in heaven, comme je regardais encore le puissant, majestueux, plus vigoureux cheval dans le ciel, as heaven stood open, comme le ciel restait ouvert, then the horse left, ensuite le cheval a quitté, and the horse ran all the way, et le cheval a couru tout le chemin, from the right hand to the left hand side of the sky, depuis la main du côté de la main droite jusqu'au côté gauche du ciel, and then there came forth the voice of the Lord God Almighty. Et là est venue la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant. And the voice that I heard said, et la voix que j'ai entendue a dit, God tell these people, Dieu dit à ces gens, to prepare for the coming of the Lord, de se préparer pour la venue du Seigneur. So, viewers, that's where I want to begin from today. Alors, auditeurs, c'est là que je désire commencer depuis aujourd'hui. And walk with you very, very carefully. Et marcher avec vous très, très prudemment. As to what exactly? Qu'est-ce que c'est exactement? Is the day of the wedding of the Lamb of God? Et qu'est-ce que exactement est le jour de la venue du Seigneur? What is the importance of that event? quelle est l'importance de cet événement? Within the calendar of God Almighty in heaven, dans le calendrier du Dieu Tout-Puissant dans les cieux, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, and if that day is so important, et si ce jour est si important, what is the bearing, what is the relationship that day has with the church? Quel est le rapport, quelle est la relation que ce jour a avec l'Église? How does it affect the church? Comment est-ce que ça affecte l'Église? Is it also important to the church? Est-ce que c'est aussi important pour l'Église? And if surely it is important to the church, et si certainement c'est important pour l'Église, then how should the church prepare for that very important day? Alors, comment l'Église devrait-elle se préparer pour ce jour si important? And most importantly, precious viewers, et le plus important, précieux auditeur, then how does the Bible address the day of the wedding of the Lamb of God? Comment est-ce que la Bible parle-t-elle du jour de la venue du Seigneur? In other words, what does the Bible say about the day of rapture? Dans d'autres mots, qu'est-ce que la Bible dit à propos du jour de l'enlèvement? Alléluia. Alléluia. I want to begin at this place, viewers. Je désire commencer à cette place, auditeur. By saying, en disant, that there is nothing the Lord God Almighty in heaven will speak about, que il n'y a rien que le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans les cieux veut dire à propos, that he is not speaking to the Church of Christ, qu'il ne dit pas à l'Église de Christ. And the second most important issue that you want to understand, et la deuxième issue très importante que vous désirez comprendre, is the fact that, c'est le fait que, every time the Lord God Almighty speaks, chaque fois que le Seigneur Dieu Tout-Puissant parle, even as he speaks to the church, même quand il parle à l'Église, you must find that conversation in the Bible. Vous devez trouver cette conversation dans la Bible. In other words, it must tally, it must line up, be in perfect alignment, perfect agreement. Ça doit être en accord, s'aligner, être en parfait alignement, parfait argument. With the word of God, the Bible. Avec la parole de Dieu, la Bible. In fact, en fait, if it does not line up with the word of God, si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, then the Lord God Almighty has not spoken. Alors, le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a pas parlé. And that is the place I want to begin from. Et ça, c'est la place où j'aimerais commencer. By asking the question, en posant la question, what does the Bible say, qu'est-ce que la Bible dit, about the wedding of the Lamb of God, à propos de la noce de l'agneau de Dieu. And in so looking at the biblical perspective of the day of rapture, et alors, en regardant à la perspective biblique du jour de l'enlèvement, then the church can now be able, you can now be able, et l'Église peut maintenant être capable, vous pouvez maintenant être capable, to understand the gravity and the importance of that day to you, de comprendre la gravité et l'importance de ce jour pour vous, even as a Christian, même comme chrétien, and even as a church, et aussi comme Église. Turn with me, precious viewers, to the book of Revelation, chapter 19. Tournez avec moi, chers auditeurs, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. I think that's a very good place to start from. Je pense que c'est une très bonne place pour commencer. And I'm beginning to read from verse 6. Et on va commencer à lire au verset 6. I'm going to read from Amplified. Je lis de la version amplifiée. And then I'll explain to you what the Lord is saying. Et je vous expliquerai ce que le Seigneur est en train de dire. In this scripture, again, Revelation chapter 19. Dans cette parole. Regardez Apocalypse chapitre 19. Verses 6 to verse 9. Verset 6 au verset 9. He says, il dit, after that, I heard what sounded like the shout of a vast throng, like the boom of many pounding waves, and like the roar of terrific and mighty peals of thunder. Et après ça, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre. Exclaiming, s'exclamant, Hallelujah, Alléluia, praise the Lord, gloire à Dieu, for now the Lord our God, the omnipotent, the all-ruler, reigns. Car maintenant, le Seigneur notre Dieu, le omnipotent, le celui qui dirige tout, tout puissant, est entré dans son règne. And then verse 7 he says, dans le verset 7, il dit, Let us rejoice, réjouissons-nous, and shout for joy, exulting and triumphant, exaltons-nous de joie, soyons dans l'allégresse, Let us celebrate and ascribe to him glory, attribuons-lui la gloire, and honor, et l'honneur, for the marriage of the Lamb at last has come, car les noces de l'agneau sont venues, and his bride has prepared herself, son épouse s'est préparée. Verse 8 says, le verset 8 dit, she has been permitted to dress in fine radiant linen, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, dazzling and white, éblouissant et blanc, for the fine linen, car le fin lin is and signifies representing the righteousness, signifie, représente la justice, the upright, l'honnêteté, just and godly living, juste, vivant pieusement, deeds and conduct, œuvre et conduite, and right standing with God, et une bonne réputation avec Dieu, of the saints, des saints, God's holy people, des gens saints de Dieu. I'm reading from Amplified. That's how Amplified puts it. Je suis en train de lire de la version amplifiée. C'est ça que la version dit. Which is very tremendous because he expounds it. Tellement énorme, sans mesure, parce qu'il explique ça. Alléluia. Alléluia. And then verse 9 says, et ensuite, le verset 9 dit, Then the angel said to me, l'ange me dit, Write this down, écris cela, Blessed, happy to be envied, béni, heureux ceux qui sont appelés, are those who are summoned, invited, called, sont ceux qui sont convoqués, invités, appelés, to the marriage supper of the Lamb, au festin des noces de l'agneau. And he said to me, et il me dit, Father, these are the true words, the genuine and exact declaration of God. Père, ce sont les véritables paroles, les authentiques et exactes déclarations de Dieu. And in NIV, et dans la nouvelle version internationale, this is what NIV says. Voilà ce que cette version-là dit. NIV says, Then I heard what sounded like a great multitude. La NIV dit, et j'ai entendu le son d'une grande multitude. Like the roar of rushing waters. Like le bruit de grandes eaux. And like loud peals of thunder shouting. Et comme un bruit de forts coups de tonnerre. Hallelujah. Alléluia. For our Lord God Almighty reigns. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne. Verse 7 says, le verset 7 dit, Let us rejoice and be glad. Réjouissons-nous et soyons heureux.